Nous allons prier. Nous voulons encore te dire merci beaucoup pour cette nouvelle occasion d'être ici pour annoncer l'évangile de victoire. Merci parce que tu as réveillé tes enfants encore à travers ta parole. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, nous voulons rendre grâce à Dieu, le roi des rois, et celui qui est là toujours pour nous bénir. Son amour pour nous est trop grand. Et comme je le dis souvent, tu as besoin de te réveiller. C'est très important. Sinon, beaucoup de choses vont t'échapper. Et beaucoup de choses vont te faire du mal. Que Dieu te bénisse. Eh bien, je voudrais continuer avec la leçon de la dernière fois. La place que l'argent a dans le cœur. L'argent a une place prépondérante dans le cœur de chaque personne. La Bible dit toujours dans Matthieu le chapitre 6 à partir du verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. La teigne et la rouille détruisent. Où le voleur pèse et dérobe. Et amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent point. Et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Amen. Les trésors que nous amassons sur la terre ne veulent pas rester seulement sur la terre. Ils localisent notre cœur. Là où vous amassez vos trésors, là aussi votre cœur sera. Toutes choses visent le cœur. Les bonnes choses visent le cœur. Et les mauvaises choses visent le cœur. Donc ne vous amassez pas les trésors dans le cœur. Je dis, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Ou bien, ne vous amassez pas les trésors sur la terre, veut dire, ne vous amassez pas les trésors dans le cœur. Lorsque vous amassez vos trésors quelque part, le cœur va aller chercher ça. Le cœur ira les chercher. Et lorsque vous les amassez au ciel, le cœur court pour aller demeurer là-bas. Et ainsi vous êtes en sécurité. Mais lorsque vous amassez les trésors sur la terre, au moment où la teigne et la rouille seront en train de détruire les trésors sur la terre, votre cœur aussi sera en train d'être rongé. Voilà. Vous allez voir quelqu'un qui a acheté une voiture neuve. Et la voiture fait accident sans qu'il ne se sent mal. Ça mène beaucoup de souffrance, de soucis. Et on n'arrive pas à oublier. Il y a tellement de choses que nous avons perdues. Bien que parfois Dieu nous donne l'occasion d'en avoir d'autres. Mais nous n'arrivons jamais à oublier. Nous, tout ce qui est trésor cher pour nous, que nous perdons sur la terre, le cœur n'oublie jamais. Donc, lorsque vos trésors seront sur la terre, votre cœur ne sera jamais un peu. Chaque mouvement, chaque risque affecte votre cœur. Quand les voleurs viennent par exemple, voler une banque, va finir gare gare PD. Comment vous allez faire? Les qui m'ont dit, vous allez juste dire bon, gloire à Dieu, c'est pas un problème, on va continuer pas chercher. Miracle, on va nous dire qu'on a bien été à Badiga. Non. Ah oui. Nous connaissons comment ça se passe. Les Kébri ne dira mi Jessi. Le cœur a fêté. Et de na Jessi nous et Diadipoé. Quand la teigne et la rouille viennent détruire les trésors sur la terre, il faut savoir que votre cœur aussi va connaître le même dommage. Ne bétobéna à Kadakuba Babavio, au Banakeson, au Bébé la Nibadia, au Midola Nibéna, Nabé Dichal, et les Kébri n'ont pas fait déjà jouer. Au moment où les voleurs vont percer et dérober, il faut savoir qu'ils vont percer votre cœur en les. Enlevez Dieu, enlevez votre joie, enlevez tout ce que Dieu a semé dans votre cœur. Et lorsqu'ils pèsent vos trésors, ils vont percer votre cœur. Ces trésors qui vous donnaient la joie, qui vous donnaient la sécurité, et quand ils arrivent à les percer, ils percent également vos cœurs. Quand ils dérobent les trésors, ils dérobent votre sécurité, dérobent votre paix, ils dérobent votre joie. J'ai vu une personne qui avait... qui était en train d'aller au marché là. C'est une femme il y a un mois et demi. Non, elle matin très tôt, elle allait au marché. Et les voleurs l'ont poursuivi. Ouais, au village. Pour lui arracher 500 000. Et quand tu la vois, non, tu vas savoir que non, quelque chose ne va pas. Non, pourquoi elle a perdu sa joie. Quand elle est venue me voir, ça dit, elle n'était pas à l'aise. Mais vous, vous. Non, non, non. Ah, vous voyez, non. Son cœur a été vraiment percé. Il me dit, à un moins, enfant. Dieu est sage. Mais où Dieu n'y a ? Il dit, vous. Ce que vous devez faire pour que votre cœur soit en paix. Et bien, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que amassez vos trésors au ciel. Mais pour nous, nous avons dit que nous avons dit que là-bas, là, fumade. Les voleurs ne viennent pas. Ça fait tomber là. La teigne et la rouille ne vont pas là-bas. Et aussi longtemps que vos trésors seront là-bas, votre cœur sera en paix, votre cœur sera en sécurité. Et il y a ces belles questions là pour nos fous quoi. Mais Dieu là, nous ne tient pas mais il y aura nos dignes dans nos mains. Alléluia. Amen. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton. Et la bien affirme que vos questions là, affirme que vous dites ah non. Alléluia. Amen. Où est ton trésor? Si quelque chose nous moule, ne nous trompons pas. Nous ne blâmons donc rien. La consécration. Commence là. Depuis ce dernier dîner comme ce fou, si nous n'arrivons pas à consacrer les choses à Dieu, tout ce que nous appelons consécration est un mensonge. Ne bêtez pas, tu vas sortir et nous amener sur ce dernier maoua et nous compatamis les gens depuis ce dernier et n'y a la pas de façon. La plupart d'entre nous, les choses derrière lesquelles nous courons aujourd'hui. C'est le monde, c'est les choses, c'est l'argent. Tout ce que nous appelons Dieu, Dieu là, c'est faux. Hein? Parce que si Dieu met la main là-dessus, ce n'est pas ce que nous allons continuer. Non. Beaucoup de personnes ont cessé l'église parce que. Les voleurs sont venus détruire leurs affaires. Ils ont commencé par raconter, nous payons la dîme, mais pourquoi Dieu n'a pas pu empêcher ces voleurs de venir. Dieu ne va pas les protéger parce qu'il t'a dit là où tu vas les placer. Donc, tous les chrétiens, aujourd'hui les chrétiens sont volés. Et les chrétiens sont dans les fions. Leurs boutiques sont percées. Les maisons sont vraiment visitées par les voleurs. Et ils se demandent, mais je prie pour la protection. Quand vous mettez les choses sur la terre, vous les entretenez correctement. N'oubliez pas que vous nourrissez l'appétit des voleurs. Donc, vous allez, vous devez tout faire pour chercher votre propre sécurité. Mais Dieu ne vous garantira rien. Même une église Si vous ne savez, si vous la construisez selon le monde, vous aurez des problèmes. Même tu le dis avec tout moi, il a beaucoup ré. Je me rappelle un jour, les voleurs sont venus voler les baffles dans l'église. Donc vous voyez, c'est effectivement fiché, il y a baffle le church home. Quand vous ne savez pas ce que vous devez avoir, et vous créez d'appétit pour les voleurs, ne pensez pas que vos prières vous empêcheront les voleurs. Il a dit aussi une chose. Verset 24. Lui ne peut servir deux maîtres. Car où haïra l'un et aimera l'autre. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être totalement pour Dieu. Et encore avoir totalement les choses du monde. Mais maintenant, on a dit que les blipos de demain. Et que nous, papa, on va se les blipos de demain. Tout ce qu'on vous prône pour dire, c'est la bénédiction, tout ça là. Je ne refuse pas. Dieu va vous donner ce qu'il faut. Mais quand les chrétiens sont en train de vouloir tout avoir, pour dire que c'est Dieu qui les a bénis, il faut savoir que le cœur va suivre les choses. Il n'y a pas de richesse qui n'affecte pas le cœur. Quelqu'un ne va pas dire j'ai tellement d'argent, donc s'il vous plaît, chacun n'a qu'à venir le matin pour recevoir 20 000. Regardez dans l'église, est-ce que c'est ceux qui ont de l'argent qui donnent à l'église? Non. Est-ce que vous allez trouver un chrétien aujourd'hui que Dieu a béni et qui fait des affaires et qui peut aller à la fin du mois donner 50 millions comme dîme? Il n'y a pas Christ qui est en train de se faire. Il n'y a pas million. Blaton son abena et son mais je connais des gens qui se disent chrétiens. Ils vont me dire que je suis chrétien. Et qui font des bénéfices, des profits de plus de 500 millions chaque mois. Que vous êtes chrétien, vous êtes chrétien. On a les 1000 millions. Alors, femme a tombé. Il y a même qui m'ont dit. Ouais, on tombe bonhomme. Mais un jour, elle m'a dit que non, moi je ne peux pas donner mon argent à l'église. Bon, pourquoi on a dit que tu m'as dit que les donc, quand il est là, quelques temps après, il donne 1 million. Donc, il ne peut pas prendre ses 4 millions pour donner. Matin 100 millions, blaton son là. Juste pour la dîme. Son amour, il y a des délots. Il dit à un moment donné, bon, j'essaie d'envoyer l'argent dans les autres églises. Et bien, l'année de Gamin, Jarabasso et Garato, tu portais au Tchamé. Ouais, non, l'argent a plus son cœur. Mais quoi, Garo et Bitch. Donc, il dit, bon, si je donne ses 4 millions. Mais il tient là pour te foutre. Le pasteur va prendre ça. Parce que là, lui, il ne fait rien. Et Yamla, on est quoi? Donc, moi-même, je fais les affaires avec ça. Il donne à Jopi. J'aide les frères. Est-ce que tu es celui qui gère les frères? Non, ça leur donne une sagesse venant du diable. Et comme ça, là, ce que Dieu vous propose, vous ne pouvez pas l'avoir. Et vous allez voir que l'argent va vous dicter la conduite à suivre. C'est lui qui va vous dicter quand vous allez vous réveiller. Il va vous dicter où vous devez aller. Donc, vous allez voir que vous n'aurez même plus le temps pour aller à l'église. Nous ne parlons même plus de la prière. Parce que bon, on a vendu, il faut compter. Et la banque est en train de dire. Les marchandises sont au port. Et le transitaire. Est-ce qu'on a vu le douanier? Est-ce que les clients sont venus? Est-ce que le bordereau est signé? On a fait la facture. Est-ce que le personnel là, on a réglé son problème? Est-ce qu'on a versé à la banque? Et qu'est-ce que le banquier a dit? On a envoyé la lettre de crédit. Est-ce que nos fournisseurs là, est-ce qu'ils ont répondu? C'est une seule tête. Et t'as les cahiers? Un seul cerveau. Sous le cahier? Tu vas magasiner tout ça. On l'a fouillé en patin pour nous. Et quand est-ce que tu vas garder quelques versets? Quand est-ce que tu vas aller à Genève prier de façon concentrée? Quand est-ce que tu vas avoir la joie de louer Dieu? Pendant que ton téléphone sonne 10 fois par minute, tu dors sur Internet. Internet, tu cherches de nouvelles affaires. Parce que c'est un trou. Donc, quand vous continuez, commencez par creuser ça. Ça, c'est l'âge. Ça devient grave. On a l'argent, il faut, ça dit, le désir d'avoir plus. On commence par viser les sommets. On commence par vous appeler riche. On commence par vous comparer aux autres. Cette personne en a plus que moi. Son entreprise est plus grande que la mienne. Il a une usine. Ah, donc, plus grande les usines. Je dois en avoir. Et le désir de concurrence. La compétition commence. Et comme ça là, votre cœur est percé, votre cœur est en train d'être brisé. J'avais dit, on le fait vider et moi le moins. Un autre maître s'installe. Qu'on appelle maman. Qu'on appelle maman. Maman. Il va dire c'est moi maintenant. Tu ne peux plus aller. Il attache tes mains. Pour dire tu ne toucheras, tu ne donneras plus rien. Dieu. Il ferme tes yeux. Et tu ne vas pas lier encore. Il ferme ta bouche. Et tu ne vas plus prier. Il attache tes pieds. Dit, tu maman, parce que tu es devenu son esclave. Et il va te mettre tous les pièges. Le jour où tu te lèves pour dire aujourd'hui je vais aller à l'église. Il dit le téléphone. Il dit qu'il y a une chance. Business. Et c'est fini. Tu parles ton seul langage. Quand le pasteur vient chez toi. Le pasteur va voir. Oui, pasteur, bonjour. Pasteur, d'accord. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Pasteur, je viens. Pasteur, il y a un fournisseur là. Oui, je viens de recevoir votre proof formal. Les prix sont bons. C'est comme il y a le jaune. D'accord, parce que je viens. Les prix sont bons. Et bon, les clients sont déjà là. Et bon, d'accord, je te rappelle après. Je sais que vous pouvez pour moi. Allô. Les bachats sont au port. À part le port, pas mais. Et qu'est-ce que le transit a dit? Il n'y a que transit à l'époque. D'accord, il y a encore d'autres conteneurs qui sont. Et la famille, ça va bien. Non? Pas pour mais pas ce qu'on va faire là. Je vais venir à la maison. Parce que vraiment, au bureau là. On sait comment. Pas ça, s'il te plaît. Pas le coup. Le carburant. Jam. Au revoir, hein. Maman, hello. Je suis avec vous. Maman, d'accord. Seigneur. Oui, j'aime trop. Bon, le temps pour la mienne, pas là. L'argent. Et devenir esclave. Il y a trop son combiné. Maman. Les gens, vous allez avoir tout, hein. Et nous, pas de la soumise, si l'on suit. Vous utilisez les châteaux. Le diable va te dire non, s'il te plaît. Ah, bon, ça, on te met au nez. De maison. Bah, tu as dit que. Parce que pour qu'on sache que tu es là. Non, on est là. Il faut construire quelque chose qui serait exceptionnel. Tu as roulé qu'il y a quoi de tout garder. Pour qu'on sache que toi. Non, on y a bien la page. Au tchao, la sidi. Qui se met au cas où. On va faire ce que les autres font là. Bah, on va te demander à l'architecte. Et bien sûr, on va te garder ici. On te fait ça. Nous, à ta plan. Il faut faire un magasin. Mais là, comme nous sommes plus dans la nation. Tu battes le droit, pas ta main. Il faut créer une organisation. Une fondation. Créer une école. Il va t'envoyer des idées. Parce que tu es devenu son esclave. Il est devenu ton Dieu. Et c'est lui qui parlera. Et là, pour moi, tu es obligé d'obéir. Et si Dieu n'a pas fait, tu ne vas pas voir le mal. Non. Donc, que tu seras grand. Et là, tout le monde, tu seras grand. Mais quand je vais multiplier, tu vas devenir grand. On l'a transformé. Vous adorez Dieu. Il va rester petit Jésus que tu seras en train de mamonner tous les jours. Et là, pour toi, Jésus, Yes. Si ta main les met dans les compromis, les met dans les bouts. Et sinon, c'est pas un problème. Alors, c'est Dieu. C'est Dieu qui a tout créé. Rien n'est mauvais. Tout est pris pour ceux qui sont pris. Il va, il va. Il t'y aime. Il est menotte. But Il dit non, que vraiment tout le monde doit travailler. Ah, mais ça me donne un don. Et il faut vraiment que les pasteurs aussi réfléchissent. Les pasteurs, tu as besoin de ta meilleure. Vous créez trop de problèmes. On le dit, on n'a rien pas. J'avais déjà construit une église à Déticopé là-bas. Tu as Déticopé fini. Là, on me demande encore qu'on doit continuer à pas construire. On peut voir, on va dire, on va tout non. On dit, je ne suis pas le seul, les autres n'ont qu'à donner encore. Mais il est quel est le tchatcha, le beau, mon chantier est occupé. Ah, non, puis il y a. On n'a pas encore fini. Le magasin là. Magasin le fou. On n'a pas encore terminé. On peut avoir. Jacques, le chapitre 5. Il y a comment on est à maton. Il dit à vous maintenant. Pleurez, gémissez. À cause des malheurs qui viennent sur vous. Vos richesses sont pourries. Et vos vêtements sont rongés par la teigne. Votre or et votre argent sont rouillés. Ouais. Et leur rouille s'élèvera un témoignage contre vous. Et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les derniers jours. La ruine, on a parlé de la ruine tout à l'heure. Amassé sur la terre. Là où la ruine et la terre ne détruisent. Il dit maintenant le mal va venir. Parce que vous avez servi le diable. C'est lui. Quand l'antéchrist va venir, il va vous arracher tout. Et là, on va mettre un signe sur votre corps. Et c'est lui maintenant qui va toucher. Tout ce qui est bâti sur la terre voué à l'échec. Nous avons une gloire éphémère. Les gens vont vous applaudir. Ils vont vous donner les noms. Mais sachez que vous pleurerez. Votre trésor n'est pas au ciel. Ce que vous avez amassé, c'est ça qui va vous apporter le grand chagrin. Aujourd'hui, l'église peine à s'en sortir. Ceux qui voient les besoins de l'église ne sont pas nombreux. Donc, comme il y a des faux pasteurs qui sont rentrés dans la vie, donc on appelle tout le monde faux. Donc quand quelqu'un vient à l'église, maintenant il est sage. Non, mais le pasteur se fait les genoux là. Non, il ne faut pas donner. Donc c'est ça. C'est ça qu'il faut faire. Donc, pour qui tu amasses? Mais quel est le poumon pour nous? Parce que les gens pensent que c'est pour les enfants. Ils ont créé beaucoup de malheur à leurs enfants. La plupart même de ces gens-là, leurs enfants ne sont pas bien éduqués. C'est ceux qui sont les plus grands problèmes de nos nations. Tout ce qui peut vous donner la sécurité par rapport à vos finances, c'est lorsque vous connaissez Dieu et vous savez comment les amasser au ciel. Le temps est de venir. où tout ce qui brille aujourd'hui ne va plus briller demain. Il est temps que chacun se cherche. C'est très important. Pose la question. Qu'est-ce que les voies par lesquelles je me suis enrichi sont pures? Est-ce que j'ai été correct envers moi-même, correct envers les impôts, correct envers la douane, correct envers mes clients, mes fournisseurs? Voilà, gagner beaucoup d'argent. Donc vous enfoncez l'État. Et prenez certains individus-là qui vous donnent quelques argent et quelques sous et qui vous sortent les marchandises. Et ce petit douanier avec ces inspecteurs-là. Au lieu que l'État gagne 50 millions, que sera là comme million, blaton, ils ont 5 millions. Bon, comme million, maton. L'État peut tout. Et vous dites que vous faites des affaires. Et tout ceci au nom de Jésus. Et il y a pas le jour va venir. Même si vous avez fait ce que Zachée a fait, vous n'allez pas vous en sortir. C'est un verset sur la Bible, dans la Bible. Il ne veut pas lire. Bible était comme ça. Zachée était comme ça. Il voulait, il a amassé de l'argent en frustrant plusieurs personnes. Combien de ces riches là aujourd'hui font correctement la gloire? Ils déclarent correctement leur maçonnerie. Vous voyez comment le monde est en train de nous voler. Un jour, nous regretterons. Et là va venir. D'accord, ne vous amassez pas les trésors sur la terre. Mais pas pour que ce nous pourrions y aller. Ne vous amassez pas les trésors sur la terre. La terre est là avant vous. La terre est là avant vous. Il va faire son travail. La terre est dans ma maison. On est en train de traiter depuis là, mais il chaque fois là tu vas voir juste, il continue faire du personnel. Ça dure 7 ans. On ne meurt jamais. Le aussi dit c'est ma maison. Le lézard dit c'est ma maison. Le café dit c'est ma maison. La souris dit c'est ma maison. Ouais, non. Nous ne sommes pas en sécurité. Que Dieu nous aide. Après que chacun travaille. La Bible dit. Ici, dans 1 Timothée chapitre 6, il dit que si nous avons la nourriture, le vêtement, ça nous suffit. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Égarés. Loin de la foi. Ils ont couru derrière le monde. Amasser. Ce qui va vous arriver, c'est que vous allez vous égarer. Vous allez perdre la foi. Et vous serez ruinés. Et vous n'allez pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Voilà la parole de Dieu. Faites le choix. Que Dieu bénisse.